Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Montmirail, votre émission, donc on se retrouve sur table ensemble, votre émission dédiée à la musique électronique. Aujourd'hui je suis en compagnie de Manu, bonjour Manu. Bien le bonjour à tous. Comment tu vas ? Ça va, la forme, t'es chaud pour, la forme. T'es chaud pour ta reprise ? La patate. Bonjour Pierre. Bonjour. Mais bon anniversaire. Merci, merci. T'es revenu de Rome, ça t'a plu ? Ouais, impeccable. Ouais, nickel. Je me suis juste sur des tableaux et tout, je sais pas si je suis égoïste. Oh, waouh, l'extase. Et en plus, aujourd'hui, émission plus que spéciale, puisqu'en plus, aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité, mais nous sommes invités par Ertig. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Bah écoute, merci de nous recevoir chez toi, puisque c'est une émission un peu spéciale. On a un concept qui est un peu nouveau, qui va changer aujourd'hui, puisque tu vas mixer pour la deuxième partie de l'émission. Donc on se retrouvera pour un mix, et puis voilà, bah t'es avec nous pour l'émission, on va te charrer musique et tout ça, ça va être bien sympa. Sympathique. Quoi de neuf aujourd'hui ? On va parler un petit peu actualité. Et ouais, carrément, ouais. Faire un petit agenda. Deux petites anecdotes croustillantes à vous présenter. J'ai un peu quelques news, ouais, et puis, on va se faire ça bien. Pour commencer cette émission, je pense qu'on peut commencer avec un petit peu de musique. Commence-tu ? Ouais. Qu'est-ce qu'on s'écoute aujourd'hui ? Moi, j'avais envie de vous proposer un petit groupe qui s'appelle Armless Kid, pardon, excusez-moi. Et la track s'appelle Canal Saint-Martin. On peut aller checker l'EP. Je sais que notre ami Erdig, ici présent, l'a mis dans sa sélection de l'été. C'est plutôt fringant, c'est plutôt dansant. On peut s'écouter ça de suite. Eh bien, on s'écoute ça de suite. Thank you. Et donc, de retour dans les studios, c'était Canal Saint-Martin de Harmless Kid. Je vous conseille d'aller checker l'EP parce qu'il est plutôt intéressant. Avec des tracks comme Connard Dipster. Non, ça, c'est le nom de l'EP. Ah oui, je me Connard Dipster, il y a Renforcement Musculaire, Canal Saint-Martin et l'autre, je sais pas. Ouais, bref. Bon, mais il faut aller le checker. Et c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Et du coup, maintenant tu vas nous c'est... parler d'actualité musicale maintenant. Eh oui. Toi ou moi, on commence, on se renvoie la balle. Allez, vas-y, mais commence, écoute, je te vois que t'es lancé. Donc, Moi, j'ai un petit agenda à vous proposer, et après, j'ai deux actus, deux petites anecdotes assez croustillantes. On peut commencer par ça d'ailleurs. Est-ce que vous avez entendu parler de l'audiopile? Alors, est-ce que ce serait pas la fameuse petite pilule que tu gobes et qui t'envoie du son pendant 10 heures ? Ah, mais t'es trop fort, j'ai l'impression qu'on se comprend, toi et moi. Et oui, donc, nouvelle, on va dire, invention qui est sortie dans la semaine. Audiopile, la pilule sound system qui envoie du son dans votre corps pendant 10 heures. Donc, c'est un espèce de truc que t'ingères et qui va directement dans ton estomac. Et apparemment, t'as trois morceaux, donc selon la pilule que tu choisis et qui la passe la pilule bleue ou la pilule rouge ou la pilule verte et qui passe en boucle dans ton estomac pendant 10 heures. Bon, le concept est assez bizarre. Personnellement, j'ai pas tellement envie d'expérimenter la chose, mais on peut se dire que ça peut ouvrir plein d'opportunités sur les relations un peu biologique et musical, ça peut être vachement intéressant. C'est vrai que par contre, genre moi je comprends pas comment est-ce que le son peut se diffuser quoi. Genre... En fait, c'est un petit haut-parleur, il me semble, qu'il y a dans la pilule. Ouais. Mais par contre, il décline toute responsabilité en cas de mort. Ah oui, ça, ils l'ont bien précisé. Ils ne prennent. Tu signes une décharge avant de la prendre. Et donc, et j'ai vu que genre on avait le choix en plus. T'as le choix des BPM. Le premier c'est 110 BPM, je sais plus ce que c'est. Après le second c'est du Die Hard 2 de I Think You're Freaky. Donc avec du 130 heures, c'est long. Du 130 BPM. Et ça finit sur du MIA Bad Girls avec 143 MPM. Ça doit être un peu comme les vidéos que tu regardes sur YouTube, genre à la longue là, les espèces de 10 hours à l'intérieur de ton estomac. Et bon voilà, ça c'était la première. Et deuxième anecdote un peu croustillante, est-ce que vous savez que la seconde école de DJing a ouvert ses portes en France? Waouh. Et oui, à côté de Poitiers, inauguré par Poitiers. Notre Futuroscope. Poitiers, scène Oui, phénoménale. Et donc elle a été inaugurée par notre cher ancien Premier ministre, j'ai nommé Jean-Pierre Raffarin. Et le parrain de cette école, alors ce n'est pas David Guetta, il est tellement occupé avec par la production de son de sa track pour l'Euro 2016. Surtout que depuis qu'il est plus qu'il est plus avec Cathy, donc apparemment il est en bas total le pauvre. Ouais, non, si, il a une nouvelle copine, non? Il a une nouvelle copine. Ah ouais. C'est pas une c'est mannequin. Une brésilienne mannequin. Ouais. Qui est venue à l'Élysée. Hein. Ah oui. Et donc ce n'est pas David Guetta, ce n'est pas Bob Sinclair trop occupé par la télé-réalité et donc apprendre aussi à former des DJ. Non, c'est Quentin Mosiman. Et génial. Et oui. Et bon, on fait avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc petit commentaire dans la présentation de cette école, ils ont quand même dit qu'ils allaient aussi apprendre aux DJ, donc à part à mixer bien entendu, à bien se comporter, à avoir une hygiène de vie saine, à pouvoir manger tous les soirs, à ne pas trop boire et prendre d'ogre et ce genre de trucs quoi. Voilà. Je fais l'agenda maintenant ou bon, tu veux... On va se le faire après, mais ouais. Bonne nouvelle pour les amateurs de science-fiction, puisque les studios hollywoodiens en fait ont décidé de sortir une compile de musique électronique, donc 100% musique électronique. Elle s'appelle Star Wars Headspace et en fait elle sera composée entièrement avec des samples du film, donc avec des diverses sagas, tout ça. Donc à l'origine de ce projet, donc il y a bien J.J. Abrams et il y a aussi un producteur qui s'appelle Rick Rubin, donc qui est excessivement connu puisque c'est un proche de Jay-Z, Eminem, au même titre que Metallica par exemple. D'accord. C'est aussi le fondateur du label Def Jam. Ah oui. Et donc c'est lui qui est à l'origine de cette compile. Donc on retrouvera donc les grands noms de la musique électronique sur cette compile. On pourrait y retrouver donc Cascade avec on sait de l'EDM, hein, mais on y retrouvera aussi GTA, Troy Boy, Bauer, Shag Kava que je ne connais pas, Claude Von Strock, Rick Rubin, Bonobo, Royxcop, Atlas, Flying Lotus, Shlomo, Rusty, Galantis et pour la dernière ce sera Breakbot. Donc je pense que c'est une compile qui à mon sens sera Breakbot super intéressante. Qui vient au Bikini. Oui oui oui, qui vient à Toulouse, alors au Zénith ou au Bikini. Et ne me volez pas mon agenda les mecs, si vous voulez. Une chose après l'autre. Donc voilà, donc c'est une compile qui sera à mon avis très sympa et puis voilà, on sera composé de et c'est assez éclectique parce qu'il y a pas mal de DM et après il y a des trucs un peu plus. Bah, t'as Bauer avec la trappe, tu vois, t'as Flying Lotus qui est chez Warp qui fait de l'IDM, tu vois, des trucs un peu plus calme, donc ouais, il y aura un peu de tout. Bonobo qui est la house, donc voilà, une compile assez sympa. Et donc Manu, l'agenda ? Un petit agenda donc de la semaine. Donc le week-end prochain, du coup, le week-end commencera. Le week-end commencera le jeudi 18 février à la Dynamo avec la SRT 002. En compagnie de Asicha, Lion et Vorol. Alors, la SRT 001 a commencé il y a un mois, donc c'est Serotone, un collectif toulousain qui organise de nouvelles soirées à la Dynamo. Il me semble que c'est 5 euros l'entrée. Trop cher. Avec Asicha, en live. Ça peut être pas mal. Le 19, il y a l'Olympicam au Bikini avec Panteros et notamment nos deux amis Kalk et Kendall. Pourquoi pas aller y faire un tour pour voir. Surtout quand c'est pour financer l'ICAM. Alors, ouais. Donc, oui, soirée. Franchement, c'est pas pour aller financer l'ICAM que moi je vais aller à leur soirée. Hein. Non, moi non plus. Non, mais moi j'ai mis quelques petites réserves sur cette soirée. Enfin, pas que je veuille saboter leur soirée, mais. Cette tenue de rigueur exigée, donc ne vous pointez pas en suite à capuche, t-shirt, vous risquerez de vous faire recaler, même si vous avez acheté votre place, ce serait dommage. Donc sapez-vous bien, quoi. Comme jamais. Non, je dis ça, mais il va venir en grenouille venimeuse, comme d'habitude. Oui, il viendra avec des trucs métalliques qui brillent et des paillettes. Ouais. Mais toi, t'as pas le droit. Et donc le samedi 20 février, moi j'ai trouvé deux soirées, donc où vous retournez au Bikini et. Là, vous assistez au show de Breakbot. Pour sa tournée nationale. Eh oui. Ou sinon, la Team Folklore essaye de repartir sur de nouvelles bases. Après la catastrophique édition. Eh oui, de janvier. De janvier, ouais, qui s'est vraiment mal bassé. Catastrophique, non, c'est mais un c'est peu... pas de leur. Oui, non, mais on est d'accord, c'est pas de leur faute. Mais, non, mais c'est pas de leur faute. Il y a quoi T'es un peu dur avec. Fuite d'eau sur le compteur électrique. Et oui. La début de soirée était quand même vachement bien. Bah, il paraît, ouais. Ouais, moi-même, j'y étais. Ouais, ça t'a plu ? Ouais, c'était vachement chaud, quoi. Très bonne ambiance. Surtout qu'en plus, là, ce qui va être cool, c'est-à-dire que pour les gens qui avaient acheté leur place, on le rappelle, alors, il y aura soit un système de remboursement, donc là, dans ce cas-là, il faut directement aller les voir, soit ça vous fait en fait un avoir pour une prochaine soirée folklore de l'année. Donc, en gros, vous avez une soirée folklore gratos si jamais vous avez pris votre prévente pour ce soir-là. Voilà, et donc du coup ils invitent Inamine Records, donc ça peut être sympa, c'est un peu de dub, un peu de wise, ça peut être sympa, allez écouter. Et sinon, dernière petite date en date, la Red Bull Music Academy le 25 février, donc encore au Bikini avec Superpose, Romaré, Conblaster en B2B avec DJ Slow, Seth Daliza et Shailon. Voilà. Conblaster qui fait aussi un espèce de de showcase où on peut discuter avec lui. Oui, exact. Alors c'est pas loin, c'est un peu ce que fait dans le style de la RBMA avec une conférence. Ouais. Où on pourra discuter avec lui, une sorte de, qu'on appelle ça, Masterclass, exactement. Donc voilà, donc on pourra le retrouver aussi. Donc j'ai pris ma place, je pense que ce sera très très sympa. Puis en plus c'est pas super excessif, je crois, les prix pour cette soirée, donc nickel. Ouais, parfait. On était sur l'agenda futur. Est-ce qu'on peut revenir sur l'agenda passé avec Eh bien oui, parce qu'on était tous à la boussole partie qui s'est tenue le week-end dernier. Florian aussi y était. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, pour le coup. Moi, pour le coup, j'ai trouvé ça très très sympa. Un Kendall au top encore, puisqu'il est celui qui a clôturé la soirée, mais c'est pour moi un des plus talentueux du label et qui a un univers qui me parle. Alors bien que ce soit de la techno, les gens en général ont un petit peu de mal, mais là c'était vraiment sympa. Et oui, très très bonne soirée, on s'est bien amusé en plus, très sympa. On y reviendra d'ailleurs avec un article sur le site de RMM. Exactement, un article en prévision. Stay tuned. Voilà. Et puis d'ailleurs, nouvelle soirée de la... Avec un gros coup, oui. Avec un gros gros coup, puisque la Boussole Records reviendra au Bikini en compagnie de Sampling as an Art, aussi connu sous le nom de S3A. Et c'est 5€ la soirée, c'est vraiment pas cher, pour une belle tête d'affiche en plus, donc je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Il y a Dale Cooper aussi, notre Dale ami... Dale Cooper, du collectif Longway aussi, qui a l'habitude de faire des résidences à l'épisode café. Ouais. Donc voilà. Voilà, voilà. Eh bien, moi je propose qu'on s'occupe un peu de notre invité. Mais c'est pas notre invité, nous sommes ses invités. Nous sommes ses invités. Hein. Et on est un peu chez toi aussi. Donc, pour commencer... Comment tu t'appelles, ouais. Ton blaze, d'où tu viens Bah alors moi c'est Florian, j'ai 19 ans, je tourne à l'heure actuelle sur le blaze de Herciègue, je viens de Perpignan-la-Catalane. Waouh, un mec du sud. Exactement, sexy. Je suis réchauffé. De suite. Ton crew c'est quoi? Alors moi c'est la Selecta, du coup avec notre, on va dire, chef qui est Freak Show. Un gars qui est issu de la Big Familia, le collectif qui organise le festival La Calypso l'été sur la plage. Excellent festival en plus. Exactement, Canet, c'est ça. Exactement, un festival qui est chaud, quoi. J'ai fait un tour l'année dernière, c'était bien. Ouais. Il y avait du bon monde en plus. Il y avait quoi? Il y avait Tequila Tex, il y avait Jock, Kenny Larkin, Oakshander de Toulouse aussi, un gars de Grand Boulevard. Enfin, Parwan, les copains de folklore. Exactement, Radio Los Santos, le collectif de Montpellier, qui sont très très chauds. Exact. Voilà, il y avait du beau monde et aussi de la scène locale. Ouais, il y avait un peu de tout. Ouais. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Alors moi, j'ai commencé au collège avec mon meilleur ami qui était aussi, qui fait partie de mon collectif du coup, auquel je fais partie, qui s'appelle Robin, qui est sous son blaze de Rob Hayden. Du coup, voilà, nous, on a commencé ensemble au collège, on a commencé sur ordinateur. Au début, on commençait par faire de la prod, moi, je m'en suis un peu éloigné, je suis parti vers le mix. Et après, on s'est retrouvés, quoi. Et après, ouais, en quatrième, troisième, il y a Freak Show qui a décidé de monter un collectif avec vraiment des jeunes de la région. Du coup, là, on est passé, il y avait Dagram, un gars qui était plus au niveau prod. Son grand frère qui lui nous a rejoint pour le mix et qui est aussi celui qui s'occupait de nous gérer un peu pour les dates, Freak Show, Hazard, notre poteau qui est maintenant sur Panam, et du coup voilà quoi, on était 5-6 et on faisait du son quoi, on a commencé en soirée. Un de vos amis, ça reste quand même important de le souligner, un mec qui vous a peut-être sans doute lancé, je pense à Zamat B, qu'on retrouve souvent sur Ins France. Yes, exactement, ouais, qui nous a donné quelques chances, quelques dates, voilà quoi. Puis voilà, qui est un acteur fort de la région, si tu veux, issu de la Big Familia, donc voilà, la tête même de ce collectif. Ayant Freak Show dans notre collectif, il a joué un peu aussi. Et du coup, voilà quoi, il nous a donné plusieurs fois notre chance. Ouais, parce qu'il me semble que Freak Show est passé sur Rins en même temps que le Casamat. Non, pas du tout. Lui, Freak Show, il est vraiment resté sur la région parce qu'il a des objectifs aussi un peu de production. D'accord. Donc du coup, lui, il n'est pas monté. Il y a un autre gars de Perpignan, RBJ, que je salue d'ailleurs, qui lui est monté en fait sur Paname et qui maintenant bosse chez Rins. D'accord. Okay. Du coup, bon monde, quoi. Exactement. Ouais, un collectif. En plus, vous avez l'habitude de tourner vraiment sur Perpignan, du coup. Ouais, voilà. Ouais, on a eu quelques années qui étaient fort sympathiques. Moi, voilà, maintenant, je suis sur Toulouse, donc du coup, je m'y suis un poil éloigné. Mais ouais, un collectif qui tourne toujours un peu sur Perpi, quoi. Là, d'ailleurs, je souligne, ce week-end, s'il y a des Toulousains qui sont sur Perpignan, il y a le Tilt Festival avec aussi Breakbot, dont on a parlé tout à l'heure. Donc encore voilà. Une raison de plus d'y aller. Quoi. Et pour l'after de ce festival, il y a Freak Show qui joue au BBC. Du coup, avec un autre membre de la Big Familia, JJ Rave, et aussi l'ami Everydays. Qui est aussi de chez Nowadays Records, si je dis pas de conneries, c'est le même label que Fakir. Ouais, il me semble, et qui est aussi le DJ de Nemir, le rappeur. Voilà. Aussi, d'accord. Perpignanais. C'est vrai que vous avez, y a pas mal de rap aussi qui se fait sur Perpi. Ouais, grâce à la Casa Musicale. Nickel. Et donc on va parler un peu plus de ta musique. Quelles sont tes influences musicales? La question, tu sais, la question un peu bateau, ouais. Qui revient à chaque fois. Ouais, c'est quoi tes influences? J'ai passé par là. Je sais pas. Moi, j'ai commencé au début, j'écoutais de la techno allemande. Et si je te parle de ça, j'étais en 6e, quoi. Je commençais vraiment tôt à écouter de la musique électronique. Après, je suis rapidement parti vers le rap, le hip-hop, qui revenait aussi de mes influences. Et après, ces dernières années, voilà, j'ai eu beaucoup de Chicago House, de la techno de Détroit, de Baltimore. Ben, j'ai eu beaucoup d'influences, de la deep, de la house en général aussi. Du rap aussi? Non, pas encore. Non, pas encore. Et de la grime aussi, voilà, ces dernières années, qui remontent vachement, de la UK Garage. Enfin bon, je me fixe vraiment pas de barrière, j'essaye pas de m'en mettre. Mes mix, ça varie vraiment en fonction de l'ambiance, de là où je joue, si tu veux, donc... Non, je me fixe pas de barrière. Du coup, quoi. Aucune date de prévue sur Toulouse encore? Non, pas encore. J'essaie de me consacrer sur mes études. On peut lancer un appel, alors. Voilà, exactement. Si vous voulez me faire jouer. Si vous voulez le faire jouer, franchement, n'hésitez pas. Un mec en or, donc vous pouvez le faire jouer. Voilà, je me consacre un peu à mes études aussi. T'as bien raison. Moi, j'essaie. C'est plus de laisser que... Ouais. Est-ce qu'il est méchant? Mais t'es méchant. Non, je le taquine. On commence à se connaître. Maintenant. Ça va, ouais. Et du coup, moi, j'avais une petite question plus sur ta formation. Tu nous as dit que genre vous avez commencé à mixer sur MAO, du coup, d'après ce que j'ai compris. Mais comment ça s'est passé? Genre, vous êtes dit, il y a quelqu'un qui vous a aiguillé ou vous avez fait vos recherches vraiment personnelles, tout seul, des tutos, machin? En fait, le cousin de mon pote Robin, lui jouait déjà un peu sous MAO. Et en fait, donc du coup, il nous avait conseillé un contrôleur qu'il avait filé à mon pote, quoi. Du coup, on avait commencé au tout début sur Traktor, mais avec genre du mapping sur clavier un peu tordu. Après, on a commencé avec un contrôleur de chez Allen & Heath. Pareil, qu'on devait mapper des galères à chaque fois. Et puis, au fur et à mesure, moi, vu que je partais vraiment sur du beat irrégulier, que j'arrêtais la techno vraiment brute en 4-4, quoi, ouais. Je suis parti sur Serato. Et voilà, et maintenant, j'essaye de le mettre vraiment de côté, quoi, Serato, pour jouer vraiment CD ou clé USB, quoi. D'accord. Donc du coup, c'est vraiment, t'as vraiment appris sur le tas, quoi. Genre. Ah ouais, moi j'ai vachement, enfin, bien sûr, j'ai eu des potes, voilà, qui m'ont filé des conseils, puis j'ai regardé beaucoup, j'ai essayé d'apprendre des autres, parce que voilà, j'étais pas inné non plus, quoi. Ouais. Mais ouais, non, après, j'ai pas fait encore d'école de DJ, mais bon, vu qu'il y en a une qui se voit à Poitiers, surtout pas. J'ai peut-être envoyé ma candidature, quoi. Eh bien, merci Artig. Et alors, moi, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on bouge de ton canapé et que tu sautes sur tes platines. Ouais. On se retrouve sur tes platines. Un set, quelle couleur tu vas donner à ton set? Ouh, là, je vais plutôt jouer house, peut-être de la techno ou de la house lofi. Je vais voir en fonction de l'ambiance de l'appartement, on va dire. Ben, nickel. Merci encore une fois de nous recevoir chez toi. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. De façon, avec plaisir. Avec plaisir. De toute façon, on se retrouve après pour clôturer ce set. Bon, mais ça roule, merci. À tout de suite. À de suite. Tab dans le sample. Big up la Big Familia, big up Artig, big up RMM, on est là. RMM. Thank you. Radio Montmirail.

Florian, on est là, Herzig, il y a pas mal de monde dans le studio, on est content. Manuel, El Canaille. On vous rappelle que la radio accepte tous les dons, y compris en bitcoins, en tickets resto et voilà, même en chèque vacances. Envoyez vos dons à radiomomirail.com. We'll be right back. dirais même. Me so insane. I can feel the rhythm pumping through my body and through my veins. Where I wanna be. Think in the mix pour Radio Montmirail, on est là.

nigga. Look at his kicks, look at his car. All I say is, oh baby, kill him. All the girls see the, look at his kicks, look at his car. All I say is, look, mommy, I'm no good, I'm so hood. Clap at your soldiers, sober, then leave after it's over. Killer, I'm not your companion or your man standing. Hit me when you wanna get rammed in. I be scrambling with lots of mobsters, shot for lobsters, cops and robbers. Listen, every block is blocker. But she liked the way I diddy bop. You peep that? Mink on Maury kicks, plus Chanel ski hat. She want the, so I give her the. Now she screaming out, killer. Yeah, she playing with herself, can't dig it out. Lift her up, Mon's just a fuck, yo. Get it out, pick on up. They want the boy Montana with guns with bandanas. Listen to my homeboy Santana. Y'all niggas can't fuck with the, I'm telling ya. Put a shell in ya, now he bleeding. Get him, call us, he wheezing, he need us, he screaming. Damn, shut up, he snitching. This nigga's bitching, he's twisted. If Fed was listening, damn, I'm in trouble, need bail money, shit. Where the fuck is my, I got trust for my, that's why I fuck with my, that's my nigga. He gon' come get us, he got love for us, that's my. When he got caught with the, we went to court for the, just me and my, and we saying, be on the block with my, with the rock of the, when the cops come, squalling. Yeah, this is for the sports cars. Benitas, Jimmy's, PJ's, old school, 18th at the sports bar. 8 or 9 on a, holla at your boy. Killer, holla. Listen, it's the DIP plus the ROC. You'll be DOA, your moms will say, shit, ain't no stopping them. Guns, we got a lot of them. Matter of fact, guru, start popping them. Then slap up this, clap up this, wrap up this, get them gats. Diplomats are them for the girls in the say. Yeah, yeah. Now when they see Cam in this, they say damn. Merci beaucoup Artig, super mix. Je voudrais avant tout remercier tout le monde. Tout le monde. Merci Pierre, merci El Canaille, merci Marjo à la régie. Qu'est-ce que je peux remercier encore, ben, tous les spectateurs et tout le petit public qui était là. Et puis, puis on se retrouve bientôt sur la bande de chez Radio Montmirail. Merci à tous.